son plus de boulet. Je leur fais la bonne NK, la roulette. Sors d'un goulag, sors plus la mec. Vite de mer, j'en ai le goût à mettre. Quand je rappe, c'est vrai, tu sens pitié. Quand les sentiments nous affaiblissent, la jalousie, l'avarice. Et j'en passe tous, on compare tous. Demande à Sam, demande à Elie, demande à Toufi, demande à Nelby, demande à EON, à Aymed, qui soutient, à Zotres, à Eski, à Alcès, à Medji, à Krim. Ah oui, à tous les frères, à Bader, le projet, on l'a fait, on l'a tout mis. Si tu dis que c'est de la merde, t'es un Tommy, je prends le chromie, je les crève avec mon chodmi. La religion, je l'ai laissé de côté. Tafla, la Sara, j'ai stoppé. Je vais me manger des paquets, des retours de flamme, de toute façon, je l'ai mérité. SNL, SNL, ouais, ouais, ouais, je te veux, je veux vivre bien heureux. Sans prise de tête, peureux, je suis heureux, valeureux. Mes valeurs, je les fais seul, mon malheur me tend les bras. Et me prends le cœur. Si un jour je tire au sort une lame, c'est que j'ai l'alarme au cœur. Je vais tirer l'alarme. Oh, the world, everybody is with me. Est-ce que tu le sais, girl? Amen, donc tire l'alerte. Belek, Amen, et si ça t'est, c'est la merde. Si bien que tu m'as toujours envie, mais en garde à vous, c'est la wa. Pour Hela, Rodawa, je pense.